La dernière supernova, un roman de Éric Simon. Octobre 2024. Le compte à rebours égrène ses dernières secondes. Tout est OK, les indicateurs sont tous au vert. Les gars sont prêts. Plus que 10 secondes. Il faut se souvenir de toutes les instructions, sans faille. Toute la procédure, rien que la procédure. 5 secondes. On y va, ça y est. 3, 2, 1. Ok, mise à feu. La sensation de l'accélération est toujours aussi impressionnante. Les corps se retrouvent plaqués au siège baquet, la tête fixée bien droite dans le casque, sans pouvoir la tourner ne serait-ce que de 10 degrés pour voir Josh et Erin. Elle va durer 30 secondes, et puis ce sera l'orbite basse. Et viendront ensuite les manœuvres, se souvenir de la procédure. Ne rien oublier. Il y a l'examen au bout. Et Craig, comme ses deux collègues, n'a pas le droit à l'erreur. Tous les trois veulent plus que tout au monde être sélectionnés et sont prêts à endurer tous les tests et toutes les répétitions qu'il faudra pour entrer dans le Graal de tout apprenti astronaute. Le simulateur dans lequel ils ont pris place il y a plusieurs heures maintenant est une réplique parfaite de la capsule. Le rendu de l'accélération est vraiment impressionnant, sachant qu'il est uniquement produit par une rotation à grande vitesse et la force centrifuge de cette sorte de grand manège. Craig a encore du mal à s'y habituer, et pourtant, il le faut. Il faut que l'accélération écrasante devienne une sensation habituelle, il le sait. Un voyant est rouge. Oh non, encore! Défaut moteur principal. On s'éjecte, les mecs. Fin de la partie pour aujourd'hui. L'entraînement est terminé. Craig, Josh et Erin se détendent enfin. L'accélération décroît lentement. Ils sentent leur poids retrouver peu à peu sa valeur normale. Eagle, votre éjection a été enregistrée 1 seconde et demie trop tard. Vous êtes neutralisé. Ok, contrôle reçu. 1 seconde et demie. J'y crois pas. On est mort, les mecs, lance Josh. Attends, 1 seconde et demie. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu crois? Il t'a manqué une demi-seconde? Pourquoi ils nous ont encore mis un défaut moteur? On en a encore eu un hier. C'est pas notre point faible, pourtant. La preuve que si, puisqu'on est KO. Faut réagir plus vite, Craig. Faudrait presque garder ta main droite juste au-dessus du bouton d'éjection. Ouais, je vois bien, je suis à peu près sûr que j'étais en train de penser à autre chose quand le voyant s'allumait. Bah, ça suffit à nous cramer, ouais, je suis désolé, les gars. Une fois le sas ouvert, le technicien entra dans la capsule pour aider les trois apprentis astronautes à enlever leur casque et à s'extraire de leur baquet. L'examen final était dans maintenant moins de 3 mois, et d'ici là, les séances de simulateur allaient se multiplier. Toujours avec des surprises, c'était le scénario normal de cette dernière phase d'entraînement, être prêt pour l'imprévu. Craig, Josh et Erin étaient arrivés à peu près à la même époque à l'Institut Galactics Mars Explorer, il y a un peu plus d'un an déjà. Craig avait toujours rêvé de Mars. Il était maintenant dans la dernière ligne droite, la dernière sélection qui verrait choisis les 80 premiers astronautes de la compagnie, et parmi eux se trouveraient les deux équipages de 5 hommes et femmes de la première mission vers Mars. Ils étaient encore près de 454 à s'entraîner dur pour passer le dernier examen dans quelques mois. Ils connaissaient maintenant presque tous les moindres recoins du module Antares et chaque sous-menu du logiciel de contrôle, mais il pouvait leur arriver encore de mourir par manque de réflexes, comme ce matin. Pour l'instant, le planning n'avait pas trop bougé. La mission Mars Explorer 1 était toujours prévue pour décoller en juillet 2029. Egon Scum tenait beaucoup à cette date, exactement 60 ans après le premier pas sur la Lune, soit 2 générations, un beau symbole. C'était donc dans 5 ans maintenant, ça allait venir très vite. Une fois libéré et sorti de sa combinaison, Craig rejoignit immédiatement la salle de repos pour se réhydrater avant de se rendre au poste de contrôle pour le débriefing. En repassant devant la capsule, en la caressant du bout des doigts, il repensait à la demi-seconde durant laquelle il pensait au vrai décollage. Une demi-seconde de rêve lui avait fait perdre des points et il s'en voulait. L'impatience ne devait pas le gagner, il le savait très bien, mais c'était une lutte tellement difficile. Comment pouvait-on rester de marbre lorsqu'on était parvenu à ce stade de la grande compétition? Car ils avaient été nombreux à se présenter à la sélection d'entrée l'année précédente, et arriver dans la dernière ligne droite était plus qu'un honneur. Pour ces programmes de vol habité, la NASA avait dès ses débuts trouvé des volontaires parmi les pilotes de chasse les plus aguerris. Mais au XXIe siècle, les méthodes avaient bien changé. Galactix n'était pas la NASA, et la compagnie ne recrutait absolument pas sur le critère de l'expérience de vol en avion de chasse ou autre. Tout homme ou femme physiquement apte pouvait théoriquement devenir astronaute. Il fallait avoir d'autres qualités, et pas des moindres. Le critère psychologique avait une importance toute particulière. Une dextérité extrême était également demandée, et la mémoire était un point essentiel, car il valait mieux connaître parfaitement les centaines de pages de divers manuels des systèmes du Antares si on voulait sortir du lot. Enfin, l'état de santé général était sans doute le point le plus important. Seuls les candidats n'ayant jamais été malades dans les 10 dernières années pouvaient prétendre à entrer à l'Institut GXME. Craig March faisait partie de ces individus que rien ne semble pouvoir atteindre, pas même un simple rhume. À peine sorti de l'université avec son diplôme de sciences et d'ingénierie sous le bras, il s'était inscrit au concours d'entrée de l'Institut GXME, le concours des Martiens comme on l'appelait familièrement. Galactix avait besoin d'astronautes et il y avait beaucoup de volontaires. C'était calme cet après-midi. Les couloirs de l'Institut étaient étrangement silencieux. Christina était plutôt habituée à fermer la porte de son bureau pour éviter le bruit venant du fond. Elle venait de se plonger dans un nouveau jeu de données qui venait d'arriver la veille. La quantité à traiter était énorme. Ah, il ne l'avait pas épargné cette fois-ci. Mais ce n'était pas la quantité de travail qui lui faisait peur, plutôt l'absence de données. De ce côté-là, Ice Cube 2 était une bonne expérience. Au moins, on détectait toujours quelques neutrinos, d'où qu'ils proviennent. Ce n'était pas comme les particules de matière noire qui ne s'étaient jamais montrées et pour lesquelles Christina n'avait traité que du bruit de fond pendant de nombreuses années. Elle avait fini par abandonner la chasse à la matière noire depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Elle y était restée tout de même 9 ans en tout, jusqu'à ce que la majorité de la communauté n'y croie vraiment plus. Christina était retournée à ses amours de jeunesse, à ses chers neutrinos. L'Institut de physique de l'INFN de Milan, où elle travaillait maintenant, avait un groupe de recherche de 5 ou 6 chercheurs et ingénieurs qui avaient intégré la grande collaboration internationale Ice Cube. Il cherchait à détecter des neutrinos très énergétiques dans la glace de l'Antarctique. L'équipe était variable selon les années en fonction du nombre de jeunes chercheurs en thèse de doctorat qui en faisaient partie. Christina avait accepté cette année de diriger une jeune chercheuse, sa première doctorante. Laura semblait elle aussi passionnée par la physique des astroparticules et surtout par les neutrinos. Sa thèse avait débuté officiellement 1 mois auparavant, mais elle poursuivait en fait son sujet de stage de recherche de master sur la même thématique de l'analyse des données de Ice Cube 2. Elle n'avait vu aucune coupure entre son travail de master et son travail de thèse. Laura était une travailleuse, sérieuse et curieuse, tout comme l'avait été Christina 17 ans avant lorsqu'elle était dans sa position. Laura se trouvait actuellement à la base Amundsen-Scott au pôle sud. Elle était arrivée là 3 semaines avant, après un voyage de plus de 72 heures. Christina lui avait raconté le périple qui l'attendait. Le long voyage jusqu'à Christchurch, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, puis le vol jusqu'à la base américaine de McMurdo, sur la côte antarctique, et enfin le transport militaire spécial avec l'avion à ski jusqu'à Amundsen-Scott. Une véritable aventure qui était unique dans une vie. On arrivait au pôle sud géographique terrestre, et c'était non loin de là qu'était implanté le détecteur géant de neutrinos Ice Cube 2, qui avait pris la relève du premier détecteur pionnier du genre qui s'appelait Ice Cube. Celui-ci était juste 5 fois plus grand, et ça faisait la différence. Tous les jeunes chercheurs de la collaboration, qu'ils soient européens, japonais, américains ou chinois, passaient au moins 2 mois à Amundsen Scott pour travailler au plus près du détecteur et participer au bon fonctionnement des sous-ensembles de détection. Les campagnes expérimentales avaient lieu de septembre à avril, du printemps à l'automne austral. Laura devait rester là-bas 3 mois jusqu'à la mi-janvier, après avoir inauguré la saison 2024. À Milan, l'automne avait du mal à s'imposer cette année. La chaleur n'avait pas encore tout à fait disparu. Les données que Laura avait transmises à Christina n'étaient qu'une petite partie de l'ensemble des données à traiter. Chaque laboratoire impliqué dans la collaboration prenait part au traitement des données, chacun avec sa petite spécialité. Le groupe de Christina avait choisi de s'intéresser aux neutrinos d'énergie intermédiaire, ceux qui n'étaient ni ultra-énergétiques en provenance des processus astrophysiques extrêmes et encore très mal connus, ni ceux de basse énergie qui, au contraire, étaient plutôt bien connus car produits par le Soleil. Les neutrinos de Christina, Laura et leurs collègues milanais pouvaient provenir de différentes sources, des neutrinos dits atmosphériques, produits par des interactions de rayons cosmiques dans la haute atmosphère, ou bien encore des neutrinos provenant de phénomènes astrophysiques comme des explosions d'étoiles, des supernovas, ou d'autres cataclysmes du même type. Il participait d'ailleurs à un grand réseau de détecteurs de neutrinos baptisé S-News, qui avait pour objectif d'alerter toutes les communautés concernées dès qu'une supernova était détectée par l'un ou l'autre via ces neutrinos. Outre Ice Cube 2, on y trouvait 2 expériences situées au laboratoire du Grand Sasso en Italie, 2 expériences japonaises, Camland et Hyper Kamiokande, ainsi que les Européens de KM3Net et l'expérience américaine Dune. Et en plus des expériences de recherche sur les neutrinos, s'étaient ajoutées récemment au réseau d'alerte les différents observatoires d'ondes gravitationnelles, les gravitos, comme les appelait Christina, avec l'incontournable LIGO, l'Européen Virgo, l'Indien LIGO India et le Japonais Kagra. Les neutrinos et les ondes gravitationnelles avaient l'avantage énorme que lorsqu'une étoile explosait en supernova, elle émettait en premier lieu des ondes gravitationnelles qui se déplaçaient à la vitesse de la lumière sans voir d'obstacle, et des neutrinos qui, eux, se déplaçaient quasi à la vitesse de la lumière et étaient peu atténués par la matière de l'étoile, ce qui n'était pas le cas des photons, qui, malgré leur vitesse maximale, étaient émis de la surface de l'étoile mourante seulement quelques heures après les ondes gravitationnelles et les neutrinos. Une fois que l'on détectait une bouffée d'ondes gravitationnelles et une bouffée de neutrinos, on avait alors plusieurs dizaines de minutes devant soi pour se préparer à assister à l'apparition de la supernova dans le ciel. Le détecteur Ice Cube 2 était un détecteur unique au monde. Son principe était extrêmement simple. Il reposait sur la détection de la faible lumière créée dans la glace lorsqu'un neutrino venait y interagir par hasard. Le processus physique était l'effet Cherenkov. Les neutrinos, lorsqu'ils interagissaient dans la glace, produisaient le plus souvent des muons énergétiques, et comme ces derniers avaient une vitesse qui était supérieure à celle de la lumière dans la glace, il se produisait cette émission de lumière bleue caractéristique, dont l'existence avait été découverte par le physicien russe Pavel Cherenkov au milieu du XXe siècle. Ice Cube 2 était donc constitué d'une multitude de capteurs de lumière, disséminé dans un très grand volume de glace cubique, faisant un volume de 5 km3. Des centaines de photomultiplicateurs étaient placés le long de filins et descendus dans des puits de plus d'1 km de profondeur. Ils étaient tous reliés entre eux et leurs données enregistrées dans de grosses stations informatiques qui avaient été installées dans un bâtiment spécifique qui accueillait également les chercheurs sur place. Une partie des données pouvait être traitée et analysée à la base Amundsen-Scott, mais la plus grosse partie était transmise dans les différents laboratoires de la collaboration. Un relais satellite permettait un transfert rapide de plusieurs gigaoctets par jour. Laura restait aussi en contact permanent avec sa directrice de thèse. Elle lui racontait non seulement les petits problèmes techniques qu'il rencontrait, mais aussi les petits soucis de la vie quotidienne dans le froid incessant des journées sans nuit. Elle communiquait essentiellement par email, qui restait la méthode de communication la plus efficace et facile. Christina, comme tous les membres de la collaboration IceCube, avait également un accès direct aux stations de travail locales et pouvait elle-même accéder aux données et procéder au download s'il le fallait. Mais Laura devait faire le tri avant et sélectionner uniquement les éléments pertinents devant être exploités. Il était plus logique que ce soit Laura qui fasse ses transferts vers Milan. Christina s'était replongée dans son logiciel de traitement de données, celui qu'elle avait conçu elle-même en langage Python. Il lui permettait de traiter de grosses quantités de données très rapidement en procédant à des tris dans les énergies des interactions détectées, les événements, comme disaient les physiciens, ainsi que dans les positions et directions des gerbes de particules. Elle vit le logo rouge de SNews orné d'un G et d'un N s'afficher en rouge sur son écran. C'était le signal d'une bouffée d'ondes gravitationnelles associée à une bouffée de neutrinos, toutes deux issues d'une probable supernova. Une supernova venait donc de produire des neutrinos en quantité. Enfin, ça y est ! Christina appela aussitôt Laura. C'est vous, l'alerte SNews ? T'es au courant que tous les interféromètres ont vu un train d'ondes gravitationnelles typique de supernova ? Et comme ils l'ont tous vu en coïncidence avec un signal super clair, ça veut dire qu'elle est tout près. Vous avez dû voir un feu d'artifice, non ? Rassure-moi, et tout est OK pour vous ? Laura hurlait dans le téléphone. « Ouais, c'est délirant ! Ça a duré plus de 300 secondes ! Ça n'arrêtait pas ! On a des milliers d'événements ! Une bouffée énorme ! C'est trop génial ! C'est trop génial !» Christina ressentit un long frisson dans le dos. « On a déclenché l'alerte de notre côté dès la fin de la bouffée. Ne t'en fais pas, tout était nominal. Hein. Toutes les lignes étaient OK. Bon, sauf une, hein, toujours la même. Mais bon, ça ira, on l'a tout enregistré. 300 secondes. Mais c'est une chance inouïe, tu sais. Envoie-moi les datas au fur et à mesure qu'elles arrivent, hein, s'il te plaît. Comme ça, on gagnera du temps pour l'analyse. Oh la vache. Alors ça y est, on a une supernova proche pour de vrai. 300 secondes, c'est énorme. » C'est sûr qu'elle est dans la Voie lactée. Putain, ça y est, je veux voir les datas le plus vite possible. Même si c'est long à télécharger, je les regarderai au fur et à mesure que ça charge. Continue à surveiller ce qui arrive, hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Oh, c'est fou. Je vais appeler les Japonais pour savoir ce qu'ils ont vu. Je te rappelle ce soir. Ok, je lance le téléchargement tout de suite. Il est quelle heure à Milan ? Demanda Laura. À 18h35. Ouais, je sais ce que tu penses, ouais, il fait déjà nuit, et en plus le ciel est dégagé. Ah, j'ai une chance de folie, je vais peut-être la voir apparaître en direct. Ouais, tous les observatoires du monde doivent déjà être sur le pont, hein. Oh, on est en train de vivre un moment exceptionnel, tu te rends compte ? Ouais, Vénard, je suis dégoûté de pas pouvoir voir ça, avec ce soleil 24h sur 24. Eh, hey, mais toi, tu as vu arriver la bouffée de neutrinos en direct. J'aurais bien aimé être à ta place, tu sais. Mais bon, hey, surveille quand même ton ciel. Pour l'instant, on n'a pas d'indication de direction, mais elle sera peut-être visible chez toi et pas chez nous. Et si elle est vraiment proche, tu pourrais voir quelque chose en plein jour. Regarde les données de SNews, hein. Les gravitos mis ensemble devraient fournir une direction assez précise normalement. Avec une bouffée pareille, s'ils n'arrivent pas à donner la direction unique, ça m'étonnerait beaucoup. Aussitôt après avoir raccroché, Christina se jeta dans le couloir de l'Institut et cria à plein poumon deux fois de suite « On a une supernova galactique !» Christina ne voulait rater ce spectacle pour rien au monde. La première supernova dans la Voie lactée depuis 420 ans, depuis celle de Johannes Kepler en 1604. Et elle pourrait la voir apparaître dans le ciel dans quelques minutes ou dans quelques heures. Les photons étaient en train de se propager dans le vide en direction de la Terre, comme dans le reste de l'univers, et ils allaient bientôt arriver, comme étaient arrivés avant eux les ondes gravitationnelles, puis les neutrinos. Elle appela Ito Yakamura, son alter ego japonais de l'expérience Hyperkamikande, pour savoir ce qu'ils avaient détecté dans leur détecteur géant. Le physicien nippon paraissait hors d'haleine et semblait avoir du mal à trouver ses mots en anglais. On le sentait surexcité. Il n'avait jamais détecté une bouffée aussi forte et intense. Elle avait duré 324 secondes exactement, avec un flux de neutrinos dépassant tous les records. Le nombre d'événements enregistrés était considérable, plus de 100 000. C'était sans comparaison avec les quelques événements qui avaient été détectés en 1987, lorsque la supernova du Grand Nuage de Magellan avait explosé. La dernière supernova relativement proche en date, mais distante de plus de 150 000 années-lumière. Ito n'avait pas de données de localisation plus récentes que celle maigre de Christina. Il fallait attendre encore un peu avant que les physiciens gravitationnels des différents interféromètres produisent leur première carte. Cela ne devait plus beaucoup tarder. Elle serait mise en ligne sur le site de S-News pour que tout le monde puisse avoir l'information au même moment. Christina essaya de calculer à la grosse louche quelle pourrait être la distance de cette supernova compte tenu du nombre de neutrinos détectés par Hyperkamikande et IceCube 2, connaissant les différences d'efficacité de détection de ces deux détecteurs géants par rapport au détecteur de Kamikande de 1987 et connaissant par ailleurs la distance de SN1987A et en considérant qu'il s'agissait du même type de supernova. Le calcul ne lui prit que quelques secondes. La supernova devait se situer à environ 1000 années-lumière seulement. Les deux étoiles massives en fin de vie, qui étaient les meilleures candidates pour produire une supernova, étaient justement localisées à un peu moins de 1000 années-lumière. Il s'agissait de deux supergéantes rouges. Antares, située à environ 630 années-lumière, l'étoile principale de la constellation du Scorpion, et Bételgeuse, étoile principale de la constellation d'Orion, dont la position était estimée à environ 720 années-lumière. Fin octobre, il ne fallait pas compter voir Antares à 1000 ans, elle était visible dans l'hémisphère sud. En revanche, Bételgeuse serait idéalement placée à cette époque de l'année. Mais il se pouvait aussi qu'il s'agisse d'une toute autre étoile massive que ces deux rouges emblématiques des ciels d'été et d'hiver. Christina quitta l'institut sans attendre l'alerte de localisation du réseau de surveillance. Elle ne voulait pas risquer de rater l'apparition dans le ciel. Pour cela, elle savait qu'il fallait s'éloigner au maximum de la ville, dont la pollution lumineuse était une catastrophe. Elle ne permettait pas que de voir la Lune et empêcher de pouvoir se repérer parmi les constellations. Maintenant, le temps était compté. Christina appela son Alessandro pour lui dire de la retrouver dès que possible dans le village de Monte Cremasco, sur la route de Crema, pour assister à un spectacle unique dans une vie. Elle misait tout sur Bételgeuse. Elle y pensait depuis des années, à cette étoile mythique. Christina sentait que c'était elle qui venait de mourir 720 ans plus tôt. Il fallait avoir un horizon sud-est le plus dégagé possible, sans ville à moins de 30 km. Une position au nord-ouest du parc régional d'Ada était ainsi idéale. Sa carte lui disait qu'il fallait 33 minutes pour arriver à Monte Cremasco, depuis l'Institut, en passant par la route de l'aéroport. C'était tout à fait jouable, pourvu que le trafic soit normal pour sortir de Milan. Heureusement que l'Institut avait été bâti dans la banlieue ouest, ça a évité d'avoir à traverser la ville. Alessandro, lui, avait moins de chance, il devrait se battre avec son klaxon.